Nécessité de ne pas transformer les sociétés savantes en corps enseignants. Le talent d'instruire n'est pas le même que celui qui contribue au progrès des sciences. Le premier exige surtout de la netteté et de la méthode, le second de la force et de la sagacité. Un bon maître doit avoir parcouru d'une manière à peu près égale les différentes branches de la science qu'il veut enseigner. Le savant peut avoir de grands succès pourvu qu'il en ait approfondi une seule. L'un est obligé à un travail long et soutenu, mais facile, l'autre à de grands efforts, mais qui permettent de longs intervalles de repos. Les habitudes que ces deux genres d'occupation font contracter ne sont pas moins différentes. Dans l'un, on prend celle d'éclairer ce qui est autour de soi, dans l'autre, celle de porter toujours en avant. Dans l'un, celle d'analyser, de développer des principes. Dans l'autre, celle de les combiner ou d'en inventer de nouveaux. Dans l'un, de simplifier les méthodes, dans l'autre, de les généraliser et de les étendre. Il ne faut donc pas que les compagnies savantes s'identifient avec l'enseignement et fassent, en quelque sorte, un corps enseignant. Alors, l'esprit qui doit les animer s'affaiblirait. On commencerait à y croire qu'il peut exister pour des hommes voués aux sciences une gloire égale à celle d'inventer, de perfectionner les découvertes. La droite médiocrité profiterait de cette opinion pour usurper les honneurs du génie, et ces sociétés, perdant tous leurs avantages, contracteraient les vices des corps voués à l'instruction. Mais il faut qu'elles influent sur l'enseignement par leur lumière, par leurs travaux, par la confiance que mérite leur jugement. Après cette digression nécessaire, je reviens à mon sujet. Élection, confirmation et destitution des maîtres. Nous trouvons d'abord des maîtres destinés à l'enseignement général dans les trois degrés d'instruction. Ces places ne doivent être données qu'à des hommes jugés dignes de les remplir par la société savante établie dans le chef-lieu et placée par elle sur une liste qui sera formée séparément pour chaque degré. Pour les deux premiers, l'inspecteur des études du district, et pour le troisième, celui des études du département, choisirait 7 personnes parmi celles qui sont sur la liste et qui leur paraîtraient les plus propres à remplir la place vacante. Il s'agit ici de ces convenances personnelles qui ne sont jamais mieux appréciées que par un homme seul, intéressé à s'honorer par des choix de la bonté desquels la nature de ses fonctions rend sa propre réputation responsable. Enfin, pour les places du premier degré, les chefs de famille établis dans l'arrondissement choisiraient entre les personnes présentées. Pour le second, ce choix appartiendrait au conseil du district, pour les autres, à celui du département. Viennent ensuite les places de professeurs de sciences particulières, attachées aux deux derniers degrés d'instruction. La liste de ceux-ci serait également formée par la société savante du département. Les inspecteurs d'études du district ou du département en présenteraient 5 pris sur cette liste, et le choix entre ces 5 serait fait par un certain nombre de commissaires que la société savante choisirait parmi ceux de ses membres qui ont cultivé la science pour laquelle on demande un maître. Si on se rappelle que cette partie de l'instruction n'est pas destinée à tous les élèves, qu'ils pourront indépendamment d'elle acquérir toutes les connaissances nécessaires et pour eux-mêmes et pour le service public, on verra que l'intérêt commun, qui résulte de l'intérêt particulier de chaque citoyen, doit céder ici à l'avantage général de la société. Cet intérêt immédiat est trop faible pour donner le droit de choisir entre des talents qu'on ne peut apprécier. Enfin, comme il ne s'agit pas des qualités propres à l'enseignement dont un homme instruit peut juger jusqu'à un certain point sans s'être appliqué à la science particulière qui en est l'objet, mais d'un choix de préférence qui exige l'étude de cette science, ce n'est pas à la société savante entière, mais à une commission formée par elle qu'il faut confier cette fonction. Un autre motif doit déterminer encore à ne pas remettre à des corps administratifs déjà chargés des fonctions publiques un choix qui, évidemment, ne peut être fait par la généralité des citoyens. C'est la nécessité de conserver à une partie de l'instruction une indépendance absolue de tout pouvoir social. Cette indépendance est le remède le plus sûr que l'on puisse opposer aux coalitions qui se formeraient entre ces pouvoirs et introduiraient, dans une constitution en apparence bien combinée, un corps de gouverneurs séparé de celui des gouvernés. C'est le seul moyen de s'assurer que l'instruction se réglera sur les progrès successifs des Lumières et non sur l'intérêt des classes puissantes de la société et de leur ôter l'espérance d'obtenir du préjugé ce que la loi leur refuse. C'est le moyen de se préserver sûrement de la perpétuité des doctrines si chères aux hommes accrédités qui, sûrs alors de la durée de certaines opinions, arrangent d'après elles le plan de leurs usurpations secrètes. L'instituteur et l'institutrice, mis à la tête des établissements destinés à l'éducation des élèves entretenus par la nation, seraient d'abord choisis sur une liste des personnes déclarées capables par la société savante, et on exigerait au moins des hommes quelques années d'exercice de la profession de maître. L'inspecteur des études choisirait sur cette liste 5 personnes, parmi lesquelles les électeurs du district ou du département feraient un choix. Ici, comme il ne s'agit point d'une instruction donnée dans une école publique, mais d'une institution particulière qui a sur les mœurs et sur le caractère une influence plus directe, comme c'est un ministère de confiance et que la capacité, une fois assurée, tous les citoyens sont juges des qualités morales qui doivent mériter la préférence, le choix ne peut être confié avec justice qu'aux représentants immédiats des chefs de famille, puisque ceux-ci ne peuvent le faire eux-mêmes. L'économe de la maison doit être absolument distinct de l'instituteur. Le mélange de ces fonctions inspire naturellement aux enfants une sorte de mépris pour le chef qu'ils s'accoutument à regarder comme l'entrepreneur de leur nourriture. Cet économe serait choisi par le directoire des districts ou des départements. L'inspecteur des études de chaque district serait choisi parmi les membres de la société savante. L'inspecteur du département désignerait 5 sujets pour chaque place et le conseil du district choisirait entre eux. L'inspecteur du département serait pris ou parmi les membres de cette société ou parmi ceux des compagnies savantes de la capitale. Un bureau général d'éducation, qui y serait placé, désignerait sur cette liste 5 sujets entre lesquels le conseil du département choisirait ensuite. Lorsque les affaires ont une sorte de généralité, que les détails journaliers n'en forment pas la plus grande partie ou sont de nature à pouvoir être partagés sans confusion, un bureau très peu nombreux est préférable à un seul homme, même pour les fonctions où l'unité des vues et la promptitude des décisions semblent exiger un agent unique. C'est pour cela qu'on propose ici un inspecteur dans chaque département et dans la capitale, un bureau dont chaque membre serait chargé en particulier des détails relatifs à chacune des 5, ou plutôt même des 3 grandes divisions, entre lesquelles on partagerait toutes les connaissances humaines, théoriques ou pratiques. Les élections, ayant toujours lieu entre un nombre de sujets déterminés, se feraient de la manière suivante. Pour 7 éligibles, chaque votant écrirait 4 noms sur un billet, suivant l'ordre de préférence qu'il leur accorderait, et 3 s'il n'y avait que 5 éligibles. On préférerait celui qui aurait la pluralité absolue d'abord des premières voix, ensuite des premières réunies aux secondes, et ainsi de suite. Si plusieurs avaient la pluralité absolue, ce qui est possible, dès qu'on passe au-delà des premières voix, on préférerait celui qui aurait le plus de suffrages. En cas d'égalité, on préférerait d'abord celui qui a le plus de voix en ayant égard au troisième, si on s'était arrêté aux secondes, celui qui a le plus de voix en ayant égard au quatrième, si on s'était arrêté au troisième, ou qu'elles n'eussent pas décidé la chose. Si l'égalité subsistait encore, alors on remonterait aux voix qui n'auraient pas suffi pour donner une pluralité absolue. Par exemple, si elles n'avaient été acquises qu'aux troisième voix, on préférerait celui qui aurait eu le plus de suffrages dans les 2 premières et enfin celui qui en aurait eu le plus dans les premières. Et là, je ne déciderai que dans les cas d'une égalité rigoureuse, combinaison qui ne se présenterait presque jamais. Lorsque les inspecteurs d'études, les instituteurs, les maîtres auraient rempli leurs fonctions, pendant l'espace de temps qui aurait été déterminé, ils pourraient être confirmés de nouveau. Pour les places des premiers établissements, cette confirmation serait faite par les chefs de famille et pour les autres, par les électeurs de district ou de département. Quant à la destitution des maîtres et des instituteurs, elle ne doit avoir lieu que pour des causes graves et déterminées par la loi. Il paraît que l'on doit réserver à l'inspecteur des études et au procureur syndic le droit de la demander. Elle doit être prononcée par un jury où le président du département ferait les fonctions de directeur du jugement et dont les membres seraient pris parmi ceux de la compagnie savante et les maîtres des différents ordres. Quant aux inspecteurs d'études, on suivrait les mêmes principes, à la seule différence que la destitution ne pourrait être demandée que par le procureur syndic du district ou celui du département. Choix des enfants élevés aux dépens du trésor public. Pour choisir les enfants destinés à être élevés aux dépens de la nation dans les institutions de district et ensuite dans celles de département, on peut prendre la méthode suivante. Pour les premiers, on établirait d'abord que le choix se ferait toujours entre un nombre d'enfants 8 fois plus grand, par exemple, que celui des places. Que si on a 6 places d'hommes à donner, on présentera 48 enfants. 24 si on en a 3 de filles. Le nombre des places à nommer ne peut être fixé d'une manière invariable parce qu'il en peut vaquer par la mort, par la retraite, par l'expulsion des enfants et que d'ailleurs, quoique le cours soit de 4 ans, il faut se réserver la possibilité de le prolonger dans certaines circonstances et même de l'abréger dans quelques autres. La nécessité de se proportionner à l'intelligence des enfants en fait une loi. Pour déterminer cette présentation, l'inspecteur des études du district en partagerait le territoire en 8 parties, renfermant à peu près chacune un même nombre d'élèves. Cette division, présentée au conseil du département et acceptée par lui, ne serait renouvelée que tous les 10 ans et dans le cas d'une inégalité devenue sensible. Dans chacun de ces arrondissements, chaque maître choisirait 2 de ses élèves. Mais les parents dont les élèves n'auraient pas été choisis auraient le droit de les présenter au concours. Ce choix du maître, ce droit des parents, ne s'étendrait que sur ceux qui, par le vœu séparé de leurs condisciples et celui des pères de famille, auraient été jugés mérités par leur conduite et leur caractère d'être mis au rang des enfants de la nation. Le maire de chaque communauté et les maîtres se rendraient chacun avec les enfants au lieu et au jour désigné par l'inspecteur des études. Là, les maires choisiraient parmi les maîtres 5 d'entre eux qui interrogeraient ces enfants et ensuite désignerait ceux qui annoncent le plus de capacités. Les enfants présentés seraient conduits au chef-lieu du district, où l'inspecteur des études et 4 personnes choisies par le directoire du district parmi les maîtres de l'établissement du chef-lieu examineraient les candidats et prononceraient sur la préférence. Quant à ceux qui, de l'institution du district, doivent passer à celle du département, après un jugement de leurs condisciples et un des maîtres qui déciderait s'ils le méritent par leur qualité morale, chaque maître choisirait un certain nombre de ses élèves. L'instituteur, l'inspecteur d'études aurait le même droit et par conséquent, chaque enfant pouvant être désigné par ses différents maîtres, par l'instituteur s'il a été élevé dans sa maison et par l'inspecteur d'études, le choix ne dépendrait point de la partialité ou de la prévention d'un seul homme. Le conseil du district nommerait alors 4 maîtres qui, joints avec l'inspecteur d'études, examineraient les enfants et en choisiraient un nombre égal à celui ou à 2 fois celui des places vacantes, selon que le nombre des districts serait plus ou moins grand. Enfin, dans le chef-lieu du département, on déterminerait le choix suivant une forme semblable. Il serait facile de faire de ces élections autant de petites fêtes simples et touchantes, propres à exciter l'émulation entre les enfants et même entre les pères de famille. Motif de préférer une élection simple à un concours entre les maîtres. Dans cette constitution d'enseignement, on a préféré l'élection pour les maîtres à un concours, à une décision portée d'après un examen public. Je regarde ces formes précisément du même œil que les publicistes éclairés considèrent les preuves légales. Ils proscrivent celles-ci, non qu'il soit mauvais en soi de soumettre les épreuves à des règles rigoureuses, mais parce que l'état actuel des Lumières ne permet pas d'en établir de bonnes et qu'ainsi le jugement des hommes sages et impartiaux doit être préféré à une règle incertaine qui, n'assurant pas la vérité, peut dès lors conduire à l'erreur. Il en est de même d'un concours. Rien ne peut répondre que les formes de ce concours assurent un bon choix, surtout lorsqu'il ne s'agit pas de décider du degré plus ou moins grand d'une seule qualité, mais d'un ensemble de qualités diverses et même indépendantes. Si le concours se fait en particulier devant des juges éclairés, alors il ne peut devenir qu'un moyen de jeter de l'incertitude sur ce jugement et de lui ôter la confiance par une opposition nécessaire entre le choix fait par les juges et ce que rapporteront du concours ceux des candidats qui n'ont pas été préférés. Si au contraire, ce concours est public, il n'en est pas comme d'un jugement sur un fait où tous les spectateurs ayant les lumières suffisantes pour être juges sont des censeurs utiles de la conduite de leurs égaux. Ici, au contraire, les spectateurs incapables de juger favoriseraient celui qui parlerait avec le plus de facilité ou de hardiesse, et ne s'apercevrait pas des erreurs grossières où il pourrait tomber s'il les niait ou les disculpait avec une adroite impudence. Leur jugement serait presque toujours contraire à celui des hommes éclairés, et les meilleurs maîtres seraient exposés à perdre d'avance la confiance publique. L'adoption de ce moyen conduirait insensiblement à corrompre les études, à substituer le bavardage à la raison, les connaissances qui amusent à celles qui instruisent, les petites choses qui étonnent un moment à celles qui perfectionnent réellement la raison. En admettant l'examen public pour les élèves, on ne s'écarte pas de ces principes. En effet, il est aisé de voir que la facilité est, à l'époque où on les y soumet, presque le seul signe de talent qu'ils puissent donner. Il est clair aussi que les témoins de l'examen, quelque prévenus qu'ils soient, ne les croiront pas plus habiles que des maîtres et qu'ainsi leur hardiesse dans la dispute n'en imposera pas. On a proposé de faire concourir les élèves à la nomination des maîtres, je crois ce moyen aussi dangereux que le concours d'ailleurs. Il ne pourrait être admis que pour les enseignements dans lesquels les élèves, destinés à des professions qui exigent beaucoup de connaissances ou à l'étude des sciences, sont déjà des hommes instruits. Ainsi, ce moyen n'est pas applicable à la partie de l'instruction publique dont nous traitons ici. Les maîtres doivent être payés sur le trésor public. Les maîtres auront des appointements sur le trésor public et non des honoraires payés par leurs élèves. On a prétendu qu'il pourrait y avoir plus de justice dans cette dernière méthode de salarier les maîtres. Mais, premièrement, l'instruction publique n'est pas seulement utile aux familles des enfants qui en profitent, elle est à tous les citoyens. Ce second genre d'utilité générale et moins directe doit même être placé au premier rang pour l'instruction qu'il n'est pas indispensable d'étendre à tous les enfants, et cependant, voilà celle qu'on propose de faire payer, car il paraît convenu que l'instruction nécessaire à tous doit être gratuite. Deuxièmement, le principe de faire contribuer aux charges publiques à proportion du revenu n'est pas seulement fondé sur ce que le riche a un intérêt plus grand au maintien de la société, mais aussi sur ce que les sommes égales ont réellement pour lui une moindre importance. Troisièmement, l'intérêt public demande que l'on égalise les charges que le hasard peut rendre trop disproportionnées. Tous gagneraient à l'égale distribution d'une charge qui serait aujourd'hui pour une famille le tiers du revenu de son chef et qui pour la génération suivante n'en serait que le 30e, tandis que pour une autre famille, elle suivrait une marche inverse. Il y a plus d'avantages pour la société si, sur 100 familles qui ont des fortunes égales, chacune paye pour l'instruction de 2 enfants, que si quelques-unes ne payaient rien, tandis que d'autres payeraient pour l'instruction de 10. En général, dans toutes les dépenses utiles à la généralité des citoyens, si les causes qui produisent une disproportion dans le besoin que chacun a de ses dépenses ne sont pas volontaires, la justice, le bien général, demande de les soustraire aux inégalités que le hasard peut produire. On parle de l'émulation que pourrait produire entre les maîtres le désir de multiplier leurs écoliers, mais cette émulation, fondée sur un motif de profit, est-elle au nombre des sentiments qu'il est bon d'exciter en eux? Vous voulez les relever dans l'opinion. Ne commencez donc point par lier leur gloire à un intérêt pécuniaire, le plus avilissant de tous, par faire de leur gain la mesure de leur célébrité et de leur succès. D'ailleurs, cette émulation supposerait un grand concours de disciples, ce qui n'aura pas lieu dans la plupart des établissements ni pour la plupart des professeurs. Enfin, si cette préférence des disciples produit une véritable émulation pour les gens d'enseignement d'un ordre supérieur confié à des maîtres vraiment célèbres, on ne peut en attendre, dans les enseignements élémentaires dont il s'agit ici, que l'inconvénient de favoriser ceux qui auraient le talent de la parole au préjudice de ceux qui auraient la philosophie et le talent de l'instruction. Et vous n'encourageriez dans les maîtres que le charlatanisme facile, propre à séduire les parents qui doivent décider du choix. D'ailleurs, il en résulterait une inégalité plus grande dans l'instruction. Tel homme en état de payer pour son fils une nourriture simple dans une pension ou dans la maison d'un ami, d'un parent, ne le pourra plus s'il faut y ajouter l'honoraire de plusieurs maîtres. Les villes les plus opulentes, les pays riches, auront exclusivement les meilleurs maîtres et ajouteront cet avantage à tous les autres. On a conservé dans ce plan l'indépendance nécessaire pour la liberté. Il me reste à examiner maintenant si l'on respecte assez dans ce plan d'instruction une espèce d'indépendance cette possibilité d'une concurrence libre que doivent laisser les établissements nationaux, qui ne sont exclusifs ni par la nature de leur objet, ni par la force même des choses. On peut diviser les institutions publiques en trois classes. Celles qui, essentielles à l'ordre social, ont besoin d'être immédiatement maintenues par la force publique, tels sont les tribunaux, les établissements pour la police, pour l'administration. Il en est d'autres où l'on pourrait, à la vérité, laisser la concurrence, mais où elle ne peut exister dans le fait. Tels sont certains établissements consacrés à l'utilité générale, comme l'éclairage d'une ville, le nettoyage de ses rues, la confection de travaux propres à la navigation, à la facilité des communications par terre. Supposons en effet, et la justice semble l'exiger, qu'on laisse à la volonté d'un certain nombre de propriétaires la liberté de former d'autres établissements du même genre, il est évident qu'il ne leur serait possible de l'exercer que dans des cas très rares. Enfin, il est des institutions où la concurrence doit être respectée au point de ne pas mettre obstacle à la volonté de ceux qui ne jugeraient pas à propos de profiter des établissements publics. Ce sont celles qui ont un rapport plus direct, soit avec la liberté, soit avec des intérêts plus personnels dont chaque homme doit exclusivement rester juge. Ainsi, par exemple, la puissance publique peut et doit même, dans certains cas, assurer aux citoyens d'une ville, d'un canton, les secours d'un médecin, d'une sage-femme. Cependant, non seulement ce serait abuser du revenu public que d'en multiplier le nombre, mais si on le multipliait assez pour rendre la concurrence impossible, on gênerait la liberté que chacun doit avoir de choisir pour lui-même. Si alors l'utilité commune ordonne à la puissance publique d'agir, le respect pour la liberté lui prescrit de régler son action de manière à n'offrir que des avantages volontaires, à ne pas se considérer comme dépositaire de l'autorité ou de la force nationale, mais à se conduire comme un particulier riche à qui le sentiment d'une bienfaisance éclairée inspirerait de vastes plans d'institutions publiques et qui n'a pas le droit de leur donner, même indirectement, une existence exclusive. L'instruction doit être mise dans cette dernière classe d'établissements non seulement parce qu'il est nécessaire de conserver aux parents une véritable liberté dans le choix de l'éducation qu'ils doivent à leurs enfants, mais aussi, comme je l'ai observé, parce que l'influence exclusive de tout pouvoir public sur l'instruction est dangereuse pour la liberté et pour le progrès de l'ordre social. Il faut que la préférence donnée à l'instruction établie ne soit, autant qu'il est possible, que l'effet de la confiance. Je dis « autant qu'il est possible » parce qu'il n'est pas moins nécessaire que cet établissement suffise à tous les besoins de la société. Maintenant, en examinant les détails du plan proposé, on voit d'abord que la jeune imposée au père de famille se borne, pour la première éducation, à choisir sur une liste des maîtres assujettis eux-mêmes à une forme d'enseignement, que partout où la population est un peu nombreuse, rien n'empêche qu'il ne s'établisse d'autres maîtres, tandis que dans les autres cantons, si la nation n'en avait pas établi, ces maîtres libres n'auraient même pu exister. On voit de plus en plus que les maisons d'institution restent absolument libres, excepté pour les enfants élevés aux dépens du public. On voit encore que l'instruction destinée à tous, dans les deux derniers degrés, peut être également donnée dans ces maisons d'institution libres, qui peuvent même ouvrir leurs écoles à des externes, sans que, pour cela, ces élèves soient exclus des autres leçons données par les professeurs pour les sciences particulières. Enfin, ceux-ci ne formant point corps, étant isolés les uns des autres, il devient également possible, où qu'il s'établisse un maître pour une de ces sciences, si celui de l'instruction publique n'attire pas la confiance, ou qu'il s'en forme pour les parties des sciences que l'opinion jugerait utiles et qu'une erreur des administrateurs de l'enseignement national en aurait exclu. La dépense qui en résulterait pour les pères ne peut être ici regardée comme un obstacle. S'ils sont pauvres, la petite portion pour laquelle ils auront contribué ne peut être une charge pesante. Quand même, ils ne voudraient pas en profiter, et moins encore en serait-ce une pour les parents riches. Enfin, cet établissement d'un enseignement plus libre, placé auprès de celui que dirige la puissance publique, et les différentes fonctions attribuées à des compagnies savantes sur lesquelles elle n'exerce aucune autorité, sont autant de moyens de diminuer l'influence que ceux qui gouvernent auraient sur l'instruction et d'y substituer celle de l'opinion indépendante des hommes éclairés. Nous avons montré comment, sans tomber dans l'idée absurde de donner un privilège exclusif de lumière et de science, on pouvait s'assurer de connaître cette opinion, puisque les hommes éclairés, si on les laisse libres dans leur choix, sauront se connaître et se réunir, et que, si la société reconnue par le pouvoir public était tentée de se corrompre, la crainte de voir une société libre se former auprès d'elle serait toujours capable de la contenir. Ainsi, la liberté n'a point à craindre le danger d'une instruction dirigée d'après les vues politiques des dépositaires du pouvoir. Ainsi, les familles restent libres dans le choix d'une instruction. Ainsi, la facilité d'opposer une autre instruction à l'instruction établie, d'y ajouter ce qui pourrait y manquer, est à la fois une ressource contre les erreurs qui peuvent se glisser dans cet établissement et une espèce de censure toujours subsistante. Cette liberté d'instruction indépendante s'étendant sur tous les maîtres, sur l'enseignement de toutes les sciences, sur les maisons d'institution, sur les compagnies savantes, il ne peut rester la crainte la plus légère à ceux qui portent même jusqu'au scrupule l'amour d'une liberté la plus indéfinie. Mais en même temps, cette concurrence n'est pas à craindre pour des établissements autorisés tant que ceux-ci n'auront pas une infériorité marquée, et la puissance publique aura rempli ses devoirs sans excéder ses droits. Jusqu'ici, elle a préparé des hommes, mais elle voudra qu'ils conservent, qu'ils perfectionnent ce qu'elle leur a donné. Elle n'abandonnera pas au hasard le fruit de ses premières institutions, et aux secours donnés sous l'autorité de la tendresse paternelle succéderont des secours offerts aux hommes et dignes qu'une raison indépendante s'empresse de les accepter.